continue comme ça, je serai connu comme Gulli. Tes textes me font rire comme des Gilly Gilly. Je vais péter ta tête avec un œuf Billy. Grande banque, je lui donne la chaîne comme bébé Lily. Tabou avant 18 ans, rentrer dans mon quartier, c'est déconseillé. Les cœurs, il y a des poulets, mais quand on fait nos sous, c'est eux qui veulent nous griller. Ratatata, danse avec les loups. Ré, on te montre comment ça se passe chez nous. Ré, c'est ça, ils trouvent ça chelou. Ré, écoute, du denso, c'est du lourd. On sait qu'on vous fait peur, devenu leur terreur. T'as fait cette grosse erreur, critiquer mon secteur. Ouais, c'est nous les meilleurs, on va faire un malheur. On est là, c'est l'ailleurs. C'est B2I, il est l'heure. Sur la plaque, on est des loups, on n'est pas des chats. Souffle chargeur qui se décharge. Ton cadavre dans la décharge. Tu peux t'aimer dans mon dos. Tous mes arabes postichés. Semi-auto sous le manteau. S'il y a de la papa, et je repars me coucher. Je suis picoté passager. Je suis déjà usagé. Direction le laboratoire. On va couper les pieds de peu les plus âgés. Frère, on est plus des types. T'es mal à taille des cartouches. Tu peux rapper comme tu veux. C'est Nord, ils vous lavent tous. Danse avec les loups. Le boule de ta soeur, je le mettrai sous ses lettres. On voit toutes les couleurs comme l'espèce totalie. Le blé, la farine, chez nous c'est sous ses lots. Des langues brandies qui veulent pleurer à la street. Ouais, ça me paraît chelou. Les objectifs sont balèzes comme le boule à Dilo. Danse avec mes loups, tu te mettras à dealer. Le fin, j'ai chopé les pili. Rien, ça sort le 9000 milli. Balance un star dans la mêlée. Y'a des gringalés qui te font danser tiriri. Demande à la carabine. On maîtrise le bail comme si on faisait du vélo. Pour celle qui agitera bien l'enjeu. En guise de cadeau, y'aura du labello. J'arrive en bas le 2 dès le départ. La foule comme ta seuf et ses 4. 91 putain, 2 points d'écart. Donc je rappe peinard et ils disent que c'est d'art. Capoin est là, N-E-G-E. Danse avec mes loups, les moutons comme feu. Un peu trop d'agaï sous l'effet de la bugue. Douille dans la cabine, c'est le micro qui bégaye. Le smoothie décès dans la bouche de ces putains. Les majeurs levés depuis mineurs, fuck les soupes. Et ces fils de pute n'attendent notre chuche. Leur mythe pas net, ils regardent sous ta jupe. Et tu sais qu'ici c'est banal. Glisser des bananes, carafe sous collage, ça se pavane sur Paname. Range la maille et le cadavre pour les frères en cabane. Et les rayons en cavale gonflés dans des casas. Dans des casas. Et je danse avec les loups, pour toi je suis pas un star. Un coup de pivot et on vit de l'armure à ton histoire. Plus dans le KGB, la NSA. Sans langue de bac à trop bas, on se patrie sévère. Fils de pute, prends cette rafale, fais le gardien de but. Fils de pute, prends cette rafale, fais le gardien de but. Fils de pute, prends cette rafale, fais le gardien de but. Nos pas sont perforants. Avec ma chaise que j'ai bouga, avec une kalachnikov, tu leur fais danser le mapouga. Manque de respect, pas de taradé, on va niquer ta mère la cougar. Le chien aboie, la caravane passe, je te baratine pas. On a passé l'âge de se manger des bas. Parle pas fort, tu veux pas que la carabine passe. C'est M2 qui est sur le drapeau. Négro, tous les six, ça voudrait ta peau. Paradoxal comme le drapeau tricolore qui n'accepte pas les hommes de couleur. Tu ressens la douleur. Moi et mes gars, on a trop le doulé. Poto, c'est moi qui dealer. Tous mes dealers, salade de doré. Voilà, d'assez dans le coudé. 91 te fracasse le cou à coup de coudé. 9-1 Idanaki devant CP détendé. Idanaki, Idanaki. Baisser des rêves de les voir tous plomber. Plomber. A Koto Yuma, on vise de la luna. Impossible de me dompter. Big frappe à la dante. Tu repartiras et dante. Bah, fallait pas les laisser parler. Bao, bao, c'est le son de la force. Remplis le coffre de substance. On sait comment faire pour faire fuir tes gabins et leurs pectans. J'ai reliqué contre Totorina. Y'a pas d'arbitre sans pif et Corina. Les fils de pute de mytho. Joue plus de la flûte, mais de la mandolina. Mais de la mandolina. Si y'a rage à un méchant, on va tirer. On va tirer. Tellement poteur, t'as le passé d'un duré. Allô, je suis Othello. Je suis Othello. Porsche à ma pelle, tu mérites Janello. Tu mérites Janello. Charlie Delta, Charlie Delta, Charlie Delta. Je suis avec Leewood, bêta de Greeny, bêta de Greeny. Ouais, je leur parle mal comme si j'étais Patrice Evra. Patrice Evra, ils vont rien faire, ils vont rien faire. Ratatata, ratatata. Tout reste, c'est des bâtards, c'est des hatas. Ils sont pas taille, je sais plus du Tchekar, réputé des toastas. Fais bouger la tête de tous mes négros, osta, osta. On arrive énervé, mon négro, tu nous connais très bien. Pas le temps de piquer, on présente pour des miens. Fais pas serma, tu nous connais pas, cousin. On a fait nos armes dans les rues du 9-1. Bloqué dans la fosse, le faux, danse avec les loups comme Kevin Costner ou Vanessi. Le silence prime, le silence. Après le langage des signes, c'est marre, aucun de tout que pour l'honneur et la maille. Et la maille. Ma gâchette n'a pas de cœur, aucun blaze sur mes balles. S'il faut creuser des trous, je m'en mettrai à Dieu. Si je suis pas en tort, j'allumerai le feu. Et je danse avec les loups, pourtant je suis pas un star. Un coup de pivot et on vit l'armure à ton listar. Plus dans le trop grand que le KGB, la NSA. Sans langue de bois, qu'un troll, on se patrie, c'est vrai.